elle va nous sortir. I'll just come over. On ne peut pas le savoir. Informat. Ça y est, là, il a la bête. Comment je fais? Pas jouer. Je sais pas où mettre le micro. Ah. Mince, je me rappelle plus c'est comment le truc là. C'était cette feuille ici. Tu peux me donner la note de ça? Elle ne se rappelle jamais de rien. It's my birthday. C'est un là. C'est un là. Celle-là. Vas-y, recommence. Ouais. Ou celle-là. Celle-là. Ça, c'est un là. Et celle-là. Ah, ok. C'est un là. Là, là, là, oui. Ça fait 36 fois que je lui dis. Et celle-là? Bah, ça peut pas être un là. Si... Do, do. Do, do, do. Ah là là, j'allais dire confondre tout maintenant. Maintenant, c'est un do. Ok, j'ai retrouvé mon do. Hola, Brasil! Hello! Hello! Hello! Hello! Hola! Hola! Oh. Skrururu. Elle est belle la musique. Thank you. plus, j'ai plus de force. Allô? Bon, allez, faut que j'y aille. Olá, olá, quem fala? Je vous laisse tous, je vous embrasse bien fort. Allez, je vous dis à bientôt. A crazy world. A crazy world. See you later. A crazy world. A crazy world. Gosquillon. A bientôt. A crazy world. A bientôt. See you later. A crazy world. Et attends, je vais te montrer un truc avant que tu partes. Je vais te montrer une babasse. Oh, attends, j'ai perdu la page. Ah, t'as quand même téléphoné. Juste que tu regardes le truc. Tu me diras ce que t'en penses. Je trouve qu'elle est trop, trop. Non, non, il faut que je te montre, il faut que tu ouvres le lien. La nature. Le mec il fait avec du bois recyclé. Ouais, et c'est une mini basse. T'es encore ravitaillé par les corbeaux là dans ton pays? Encore 15 fois qu'il tourne autour de la gazion. J'ai entendu, ça met du temps chez toi. C'est normal, le temps que le truc il arrive à l'autre bout de la France. Pas encore. Mais ça va bien, moi. Un jour. Comment tu trouves? Tu écouteras, quand tu auras quitté Ninjam, tu écouteras la vidéo, là, le jeu, le son qu'elle a. Bon, on passe passant, c'est mon anniversaire au mois d'août, alors si vous vouliez me mettre un peu dans ma petite cagnotte. Non, mais en fait, ce que j'ai beaucoup adoré, c'est qu'il prend du bois, les chutes de ce qu'il n'a pas utilisé pour en faire ses guitares, pour faire des trucs comme ça. Je trouve que c'est chouette, hein. Ouais, bah écoutez le son. Hein. So crazy road. So crazy road. Bon, j'ai fait une tentative hein, sur Facebook là, de faire une cagnotte. Mais y a personne qui a rien mis dedans. Sing a song in Brasilia. Ah, cool. Broad is always have a good sound. Have a good sound. Vamos lá, vamos lá. Okay, you want to know about the Tour de France? 13 kilometers. Yeah, we have plus. Hey, this is Russian. This is not Brazilian. Da. Nozdorovia. Salut Océan. Thank you. Thank you.